Vous aussi, investissez dans l'immobilier neuf en toute sérénité avec Kaufmann et Broad. Et jusqu'au 14 juillet, Kaufmann et Broad vous offre les frais de notaire, la garantie revente et d'autres avantages encore à découvrir en espace de vente ou sur investir.kaufmannbroad.fr. Investir dans l'immobilier comporte des risques. Plus d'informations sur kaufmannbroad.fr. La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Et nous poursuivons aujourd'hui notre série d'émissions rétrospectives de la Tête au Carré avec ces 13 années de science que nous avons donc partagées ensemble depuis 2006. L'émission s'arrête définitivement vendredi et c'est l'occasion donc de revenir sur quelques-uns des moments les plus marquants de ces dernières années. Et parmi ces événements, il y a l'affaire du Mediator, ce scandale sanitaire concernant les personnes victimes de la prise de bain Fluorex, un médicament contre le diabète vendu ensuite comme coupe-faim et commercialisé sous le nom du Mediator. L'affaire commence en 2010 lorsque la pneumologue Irène Frachon publie ce livre Mediator 150 mg, combien de morts aux éditions Dialogue, le début d'un long combat qui n'est d'ailleurs toujours pas terminé puisque le procès au pénal du laboratoire Servier aura lieu en septembre et qu'il va durer 6 mois. Irène Frachon est mon invitée dans un instant pour revenir sur cette affaire dantesque avec à ses côtés le docteur Dominique Dupagne qui évoquera de son côté quelques-uns des sujets saillants de ces dernières années en médecine et vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. On va traverser les Alpes en armure aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui. C'est ça. Quatre chevaliers, en armure et un chercheur pour une expérience d'archéologie expérimentale qui s'annonce fastidieuse. On vous présente le projet Marche-Alpes dans un instant. Frédéric Milano réalise cette émission qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Elle aussi porte toujours son armure avec elle, c'est la pneumologue Irène Frachon. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bienvenue. Et également Dominique Dupagne. Bonjour Dominique. Bonjour Mathieu. Irène Frachon, vous avez été la première donc en juin 2010, on l'a dit, à avoir lancé l'alerte sur la dangerosité du Mediator. Une affaire qui a été très marquante aussi pour la Tête au Carré par son ampleur. Et puis l'occasion également d'évoquer la place des lanceurs d'alerte. Ces 10 années ont été totalement bouleversantes évidemment dans votre vie, à vous. Bouleversante, puisqu'il s'est agi en fait d'accompagner des milliers et milliers de victimes, c'est-à-dire que j'avais pas rêvé et que quand l'affaire a été révélée à partir de 2010, j'ai reçu des centaines puis des milliers de demandes d'aide au secours de gens qui réalisaient que le drame qu'ils vivaient, cardiaque, était lié à un empoisonnement. Et ça a été un choc terrible pour redécouvrir que c'était un empoisonnement délibéré. Donc c'est tout ceci qui a été le combat de ces dernières années. Ouais, je ne pensais pas qu'on allait se retrouver aujourd'hui pour parler d'une actualité très très importante, celle du procès au pénal, donc à partir de septembre prochain. Donc là, vous repartez au combat plus que jamais d'ailleurs. Hein. En fait, c'est un combat qui se poursuit. Nous attendons ce procès pénal depuis des années et des années. Il faut savoir que l'instruction est close depuis 2014 et que le reste a été en fait des manœuvres dilatoires venant de la défense de Servier pour qu'il y ait, si possible, jamais de procès ou le plus tard possible. Donc il a fallu même d'ailleurs que le parquet de Paris presque frappe du poing sur la table pour que ça s'arrête, ces recours incessants, et ce procès va se tenir à partir du 23 septembre prochain pour une durée de 6 mois, 4 demi-journées d'audience par semaine, donc vous imaginez ce que ça représente. Ouais, et d'ailleurs vous avez mis toutes vos vacances de côté pour justement assister à ce procès non-stop quasiment, c'est ouais, ça ouais, depuis un an, d'abord depuis 10 ans, il faut bien reconnaître que c'est vrai, l'essentiel de mon temps est consacré à cette affaire, quel que soit d'ailleurs le week-end ou les vacances, c'est la même chose. Mais quand des milliers de gens se noient et se font en plus maltraiter, ce qui a été le cas ces 10 dernières années, on n'a pas trop le choix. Donc finalement, il n'y a pas de grande différence, si ce n'est que là, effectivement, j'ai un tout petit peu corsé. Je ne prends plus de vacances depuis l'été dernier parce que je veux assister à l'intégralité de ce procès. Dominique Dupagne, vous avez évidemment suivi toute cette affaire du Mediator depuis le début. Vous l'avez d'ailleurs souvent cité dans vos chroniques. Qu'est-ce qu'elle symbolise d'ailleurs cette affaire selon vous au fond ? D'abord, un mauvais comportement, hein, celui du laboratoire Servier, qui sera mis sans doute à jour lors du procès. Et puis quand même, il faut le dire, même si ça va la faire rougir, mais le côté héroïne, je l'appelle parfois princesse Léa d'Irène Frachon, c'est-à-dire que sans Irène Frachon, il n'y aurait pas d'affaire du Mediator. Il faut bien comprendre ça. Hein. Sans Irène Frachon, le Mediator aurait été retiré du marché et personne n'aurait entendu parler il de cette histoire. Il n'aurait pas été retiré du marché, Dominique. Même pas. Même pas. Enfin, un moment, un jour ou l'autre. Mais ça aurait été fait discrètement, comme ça a été pour d'autres médicaments. Les victimes n'auraient jamais su qu'elles avaient été victimes du Mediator. Et ils ne se serait rien passé. C'est ça qui est complètement fou. On va y revenir bien sûr dans un instant. Et puis Dominique, vous avez retenu d'autres affaires qui ont marqué également la santé publique ces dernières années. On parlera par exemple de ce rapport très particulier des Français avec la vaccination. Et on se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent bien sûr sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Je suis tombé dans une flaque et j'ai tout le bas de l'armure qui s'est mis à rouiller. Au bout de 5 ou 6 lieues, je ne pourrais plus arquer. Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre armure pour chevaucher de Calédonie jusqu'ici? Vous devriez vous trouver une petite tenue de voyage confortable, une étoffe en lin ou quelque chose. Un chevalier, c'est en armure. Pour chevaucher, pour se battre, il y a un minimum de prestige à observer. Voilà, c'est un extrait de la série Kaamelott pour parler d'un événement qui aura lieu les 6 et 7 juillet prochains. Axel, hein, 4 chevaliers vont traverser les Alpes en armure. Et les oui. Alpes en armure. Et c'est à la une de la science. Oui, Mathieu, ce projet un peu fou d'archéologie expérimentale s'appelle Marche Alpes. Revivre en conditions réelles la traversée des Alpes effectuée par François Ier et son armée en 1515. À cette époque, le roi a peur d'une embuscade suisse et il arpente les montagnes en harnois, c'est-à-dire avec plusieurs dizaines de kilos de mailles et de cuir sur le corps. Pour en parler de cette expérience et de ses préparatifs, nous recevons par téléphone Stéphane Gall. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous allez être chevalier, vous travaillez pour l'université Grenoble-Alpes, vous êtes chercheur au CNRS, au LABEX ITEM, ça s'appelle ITEM pour innovation en territoire de montagne. Alors racontez-nous un petit peu pour commencer comment cette drôle d'histoire de reconstitution vous est venue. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs de reconstitution ? Alors, je préfère le mot expérimentation à reconstitution. Oui. L'idée m'est venue parce que je travaille depuis déjà longtemps sur les sociétés en guerre au XVIe siècle, sur la montagne. Et travaillant donc sur ces sujets, je suis tombé sur une lettre de François Ier à sa mère en août 1515. François Ier franchit les Alpes pour aller se battre à Marignan. Et dans sa lettre, il explique qu'il porte l'armure en montagne. Il explique qu'il nous fâche fort de porter le harnois parmi ces montagnes. Mmh. Et c'est une formule qui m'a beaucoup interpellé. J'ai essayé de comprendre, de croiser avec d'autres textes qui confirmaient effectivement que François Ier avait fait armer son escorte pour franchir les Alpes. Mais au bout d'un moment, l'historien retourne les mots, interroge les images, mais il arrive à certaines limites. Et d'où l'intérêt de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire de dépasser ces limites, on va dire, peut-être un peu traditionnelles du travail de l'historien, pour essayer d'expérimenter directement la chose et d'arriver à en retirer des informations. Alors, ces armures, combien est-ce qu'elles pèsent au moment où François Ier et son armée font la traversée des Alpes ? Alors, les armures sont d'un poids très variable, en fait, en fonction de la taille de l'individu, en fonction de la qualité de son équipement. On a des armures complètes de chevalier, c'est-à-dire l'exosquelette métallique avec la partie côte de maille qui va faire jusqu'à 40 kilos. Ouais. Et puis on a des armures plus légères à pied qui vont faire 15-20 kilos, parfois même beaucoup moins parce qu'on n'a que certaines parties de l'armure. Est-ce que vous avez décidé de refaire tous ces types d'armures pour l'expérimentation et que vous allez porter différents poids dans les Alpes ? Alors oui, on a eu recours à un spécialiste, Georges Joliot, qui nous a fabriqué des armures comme celles qu'on portait en 1515. Et on a un type d'armure de cavalier, donc une armure complète avec les jambes qui sont prises dans un vêtement, on va dire, de métal. Et puis une armure d'homme à pied, c'est-à-dire que la partie basse n'est pas prise, ce qui permet de marcher évidemment plus à son aise. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir, comme ça a été le cas pour François Ier en 1515, ce que produit la marche sur les individus qui vont devoir descendre de cheval, qui vont devoir porter leur armure, donc tout ce poids, dans un milieu complètement inadapté, bien sûr, aux armures. Et la marche de François Ier était faite aussi en juillet, en plein été ? Alors lui, il a marché en août, essentiellement, mais des troupes étaient déjà passées, effectivement, en juillet. Alors vous avez dit tout à l'heure, c'est une expérimentation en archéologie. Quelles sont les observations, les mesures scientifiques que vous allez réaliser pendant votre périple ? Alors ces mesures, elles ont déjà commencé en fait, parce que le travail expérimental, il commence bien en amont. On a fait des tests en biomécanique, on a eu recours donc à des informaticiens, des spécialistes en physiologie, de manière à la fois connaître notre corps déjà, savoir de quoi nous sommes capables, et ensuite de connaître ce que l'armure implique sur un corps humain. Donc mesurer les effets, les contraintes, les limites biomécaniques impliquées par l'armure et les efforts que l'on doit produire quand on porte l'armure. Ça veut dire que vous êtes bien préparé alors ? Alors tout à fait, on a bien testé notre équipement et nos propres personnes pour savoir de quoi on est capable. Et ensuite sur le terrain, on va être accompagné par un médecin, Yann Pascoe, qui va nous suivre pour faire des observations, des tests au fil de la marche. Alors vous n'allez pas être seul pour vous mettre en harnois. Vous êtes avec quatre autres cobayes qui eux sont plutôt des profils sportifs. Qui sont vos acolytes d'armure alors ? Alors les acolytes d'armure, il y a tout d'abord le copilote du projet qui est Patrick Seria, qui est un ancien champion paralympique, qui pour le coup a échangé le vélo contre un cheval. Mais si vous voulez, dans son cas c'est intéressant parce qu'il y a une double problématique, il y a la problématique de l'athlète de haut niveau qui s'entraîne et qui retrouve dans cet entraînement que nécessite l'armure, un peu de l'entraînement qu'il a connu donc pour devenir un champion olympique, paralympique. Mmh. Et la problématique du handicap, puisque l'armure est une forme d'exosquelette et que dans les articulations de l'armure, les contraintes du métal sur la peau, on retrouve des éléments d'une prothèse. Alors, si on doit vous donner un dernier coup de main, il y a une partie du projet qui n'est pas complètement bouclée, c'est la partie du documentaire qui va vous suivre. Est-ce que si on veut le voir le jour, on peut vous aider encore ? Ah oui, tout à fait. Alors, effectivement, c'est un projet qui a nécessité de nombreux partenaires. On a eu la chance d'avoir un investisseur privé qui nous a suivis, Cameron O'Reilly, un homme d'affaires étranger qui se passionne pour Bayard et qui nous a permis d'amorcer vraiment le projet. Bon, il y a eu des financements de laboratoires, du LABEX ITEM, du LARA, du CNRS, du département de l'Isère, de beaucoup de partenaires. Mais c'est vrai que pour le documentaire, assuré par une société de production qui s'appelle Megapixel, nous avons besoin d'un petit coup de pouce. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme Ulule. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent aller sur Internet et taper des chevaliers dans la montagne. Et ils pourront à ce moment-là voir un peu les étapes de notre projet et nous apporter le soutien qu'ils souhaitent. Merci Stéphane Gall en tout cas. Et bon courage pour et pas cette traversée des Alpes. Absolument, vous souhaitez une température plus basse beaucoup. Évidemment. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Axel, merci. À demain. À demain Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité des sciences, les papillons monarques élevés en captivité ne migrent pas. De nouvelles recherches montrent que par manque de repères environnementaux appropriés, ils ne savent pas où aller, alors que les monarques capturés à l'état sauvage pour l'expérience se sont dirigés vers le sud, en direction du Mexique. Ni les monarques d'origine commerciale, ni les individus locaux élevés à l'intérieur ne l'ont fait. Ils avaient tendance à se diriger dans des directions aléatoires, comme le précisent les chercheurs dans leurs travaux publiés hier. Un frein supplémentaire donc au sauvetage de cette espèce emblématique d'Amérique du Nord. Le méthane sur Mars, ça repart après deux résultats contradictoires concernant la présence de ce gaz dans l'atmosphère martienne en 2 mois. La polémique est relancée par une nouvelle détection. La NASA a annoncé que son robot Curiosity avait de nouveau détecté sur Mars donc ce gaz qui pourrait peut-être provenir de microbes mais qui pourrait aussi venir d'interactions entre roches et eau. Le mini-laboratoire embarqué SAM a trouvé une concentration de méthane de 21 parties par milliard d'unités en volume. C'est ce qu'a annoncé l'agence spatiale dans un communiqué évoquant un résultat surprenant. Et puis pour terminer, une crème pour traiter le vitiligo. Le nouveau produit a permis 50% de repigmentation sur le visage des patients impliqués dans l'étude, dont les résultats étaient publiés hier et présentés, en tout cas à Milan. Des travaux encore préliminaires, mais porteurs d'espoir, car les traitements actuels du vitiligo par photothérapie ou corticostéroïdes sont fastidieux et ont une efficacité très limitée. La phase 3 des tests qui déterminera l'efficacité et l'arrivée sur le marché du produit devrait démarrer en 2019. Allez, Irène Frachon, l'invitée de cette rétrospective de la Tête au Carré. J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs. Comment vite t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture. Comment vite t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me passer de toi. J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me passer de toi. Je pas, je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat. Je peux très bien me passer de toi. Comme envie de sang sur les murs, comme envie de crever ton chat, comme envie d'accident de voiture. Je peux très bien me passer de toi. Je peux très bien me passer de toi. Pas assez de toi, c'était Manu Negra. La tête au carré, Mathieu Vidard. À la une de l'actualité aujourd'hui, les dangers du Mediator. Ce médicament pour diabétiques aurait fait 500 morts en 30 ans, si l'on en croit l'agence des produits de santé, qui demande à tous ceux qui en ont pris plus de 3 mois de consulter leur médecin. Les laboratoires Servier contestent les chiffres avancés, ils dénoncent des extrapolations. On en parlera avec notre invité, le docteur Irène Frachon, pneumologue à l'hôpital de Brest, la première à avoir dénoncé ce qui apparaît comme un nouveau scandale sanitaire. Voilà, c'était en novembre 2010, le journal de 13h, présenté par Claire Servajan, dont vous étiez d'ailleurs l'invité. Ensuite, Irène Frachon, vous êtes avec nous cet après-midi, pneumologue et figure de proue, évidemment, de cette affaire du Mediator. Et puis Dominique Dupagne, notre docteur, médecin généraliste de la tête au carré, depuis le début d'ailleurs de l'émission, est également avec nous pour commenter cette affaire et puis quelques autres événements dans l'actualité de la santé. Et les auditeurs nous rejoignent, bien sûr, sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Irène Frachon, un mot sur justement ces 10 années aujourd'hui autour de cette affaire. Qu'est-ce qu'on ressent quand justement on est en première ligne et qu'on a subi aussi tous ces vents contraires? Ben moi, j'ai cru pendant longtemps, à chaque fois que le job était fait et que ça y est, on allait tourner la page. Mmh. À chaque fois. Ouais. C'est-à-dire, le Mediator est retiré du marché. Je me suis dit, bon, ben, c'est bon, ils vont faire le job, ils vont aller chercher les patients, etc. Il n'y a eu aucun retour, personne n'a été prévenu, tout s'est fait en catimini. Alors après, j'ai publié un livre qui a été censuré en justice. Et puis, quand enfin le scandale a éclaté, là, on vient de l'entendre en novembre 2010, ben, je me suis dit, bon, ben voilà, ça y est, c'est bon, le job est fait. Et tout le monde va s'y coller, le gouvernement, la réglementation, la justice et tout le tintouin. Et en fait, à chaque fois, je réalise que l'affaire va à nouveau être enterrée si on ne continue pas en fait à dire ce qu'il se passe, ouais. Simplement les choses, et y compris, ça a été en fait toutes ces 10 dernières années, et je pense les années à venir. Donc il faut maintenir cette dynamique au fond, et une seule personne peut le faire, c'est-à-dire vous en l'occurrence. Ben, alors on est une petite bande. D'ailleurs ça énerve bien Servier, mais c'est comme ça, que j'appelle un peu les Jedi. J'en ai un en face de moi, c'est le docteur Dominique Dupagne, qui est un des premiers lanceurs d'alerte sur le Mediator, puisque bien avant moi, sur son forum à toutes, il prévenait que en 2004 je crois, que le Mediator était un des derniers amphétaminique et qu'il ne serait pas étonné qu'un jour ou l'autre, il soit dégagé. Et quand j'ai lu je faisais beaucoup de recherches internet, j'ai pensé à prévenir assez vite Dominique Dupagne de mon combat. Et si je peux me permettre, il a été très utile parce que Dominique a une maîtrise du web, de internet, des blogs, des réseaux sociaux que moi je n'ai absolument pas, et avec un esprit extrêmement critique. Et donc il a pu faire face à ce qui était le début des lynchages médiatiques, des blogs étranges, enfin il en parlera, des trolls. Et encore, je me dis heureusement que cette affaire n'a pas éclaté 10 ans plus tard, au moment où les réseaux sociaux peuvent être complètement manipulés et raconter absolument n'importe quoi. Mais lynchage contre qui alors, Dominique ? En fait, on comprend bien le contexte. Hein, Irène a sorti son travail, sa publication, et il y a eu une action concertée de blogueurs apparus d'on ne sait où, de comptes Twitter tout neufs, qui se sont prétendus comme indépendants et motivés par leur seule recherche de la vérité, qui se sont mis à taper de façon synchronisée sur Irène, sur ses motivations, sur les faiblesses prétendues de ses études, avec une espèce d'action concertée qui était une manipulation à l'évidence. Mmh. Et heureusement, en effet, je connaissais bien les réseaux sociaux qui étaient encore assez primitifs à l'époque, mais qui étaient déjà évolués, et j'ai pu désamorcer ça et montrer la manipulation, et ça a été précieux, parce qu'Irène était vraiment assaillie de toutes parts. C'était très impressionnant. Ouais. Et c'était pas du tout innocent, bien sûr. Ce sont des agences de communication spécialisées qui font ça. Hein, ça vient pas de nulle part. Mais vous êtes toujours l'objet d'attaque, c'est ça qui est incroyable. Hein. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'indemnisation des malades, malgré la situation qu'on connaît bien aujourd'hui et le procès au pénal qui se prépare. Il y a encore des gens qui sont... Vous êtes toujours une cible. Oui. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que l'affaire du Mediator a mis à jour tellement de dysfonctionnements systémiques qu'évidemment, ça irrite considérablement parce que beaucoup ont intérêt à ce que rien ne change. Or, on peut pas admettre que rien ne change lorsque l'on analyse l'affaire du Mediator. La deuxième raison, c'est que entre autres d'effets secondaires, enfin d'effets collatéraux, ça a été la prise de conscience de ce qu'étaient les conflits d'intérêts dans le domaine médical, et puis même de façon plus large. Et cette prise de conscience, là encore, dérange un système qui est une norme et dérange le confort, notamment par exemple dans le milieu médical de nombre de collègues. Et ça m'a valu beaucoup d'hostilité, même violente. Ouais. Des cardiologues en particulier. Alors les cardiologues, il faut jamais faire d'amalgame. Il y a heureusement des cardiologues très sérieux. Sont des gens qui travaillent bien, qui sont de bons scientifiques. Et il y en a un certain nombre qui sont mis au travail en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'on n'aurait pas vue. Et ils ont publié des études de très haut vol et qui ont toutes effectivement confirmé un signal de toxicité majeur du Mediator. Donc heureusement des gens se sont mis au boulot, mais beaucoup de cardiologues se sont sentis mis en cause par une petite pneumologue sur un savoir qui était pour eux un savoir acquis, presque un dogme. Et là j'ai compris, grâce à des spécialistes de l'histoire des sciences, qui avaient quelquefois une mise en dissonance cognitive, des révolutions coperniciennes presque à faire, et que c'était beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. Et donc il y a un évitement du problème. Un évitement qui est beaucoup plus simple pour le cerveau finalement à admettre. Hein. Oui. Alors justement, la petite pneumologue de Brest, Dominique Dupin, c'est intéressant parce qu'il y avait ce livre que Irène Frachon a publié en 2010, qui est arrivé évidemment dans toutes les rédactions parisiennes, et que pratiquement personne n'a vu au départ. Hein. Ben, c'est tellement énorme ce qu'elle racontait, si vous voulez. Et je me passe encore. Qui est cette femme? C'est vraiment... par rapport, il y a des livres d'illuminés qui sortent tous les jours, et donc pour les journalistes, faire la part entre ce qui était réel ou pas, c'est pas simple. Et elle a mis du temps à trouver des soutiens, et je dois reconnaître que moi, j'étais en pleine grippe H1N1, et j'ai pas prêté suffisamment attention à cette histoire, et je suis arrivé sur le tard, si vous voulez. Pas tant que ça. Non, mais d'accord. Non, mais je veux dire, j'ai pas été à ses côtés tout de suite, quoi. Elle aurait eu besoin de relais, de gens sur Internet, puisque bien évidemment, l'intelligentsia médicale, avec une règle, c'est malheur à celle par qui le scandale arrive. C'est aussi simple que ça. Ouais. Elle met un coup de pied dans l'affaire fourmilière, comme elle le dit, elle met en évidence des dysfonctionnements absolument majeurs, graves, et un nombre de morts qui est supérieur à ce qu'ont fait les attentats terroristes depuis 10 ans. Ouais. Et donc, si vous voulez, la petite pneumologue, elle fait chier tout le monde, quoi. C'est aussi simple que ça. Une des toutes premières, c'est Isabelle Giordano, d'ailleurs, je crois, sur France Inter. Hein, c'est vrai. Isabelle Giordano était une des premières. C'était une émission absolument historique, presque, et qui a inspiré d'ailleurs Emmanuel Berco dans son son film. Il y a eu aussi Anne Jouan du Figaro. Il y a eu Anne Crignon, Nouvelle Obs. Absolument. La collaboration avec les médias a été rapide et de très haut niveau, j'ai trouvé. On écoute justement Irène Frachon un extrait de La fille de Brest d'Emmanuel Berco, sorti en 2016. Et c'est au moment de la découverte du scandale. 70%. Putain la vache. Elle avait raison. Non mais cette merde ne peut quand même pas être responsable de 70% des valvulopathies de ce type. C'est complètement dément. Bah si les gars, pile dans le mille. Ça y est, c'est officiel. Les cardio-français ont de la merde dans les yeux depuis 30 ans. Puis on ne trouve que ce qu'on cherche, hein. Ça va pas faire vrai. On dirait le résultat d'élection de la République bananière. Devant un résultat surprenant, posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai? Voilà notre réalisateur Frédéric Milano qui a sélectionné, sans le savoir peut-être, la réplique préférée d'Irène Frachon dans le film. Bon alors je vais pas insister, mais c'est vrai que c'est une affaire énorme et même pour moi, une des choses les plus difficiles à comprendre et analyser était de me dire, mais pendant 30 ans, les cardiologues n'ont pas vu qu'une partie de ces, enfin des valvulopathies gravissimes étaient liées au médiator. Ça me paraissait absolument incroyable. Et depuis, j'ai trouvé les explications à cet aveuglement. Il était porté d'une part par la tromperie de Servier, qui va être jugée à la rentrée, qui ne disait pas que ce traitement était potentiellement toxique, alors qu'il le savait pertinemment. On en a toutes les preuves aujourd'hui. Et deuxièmement, parce que les cardiologues attribuaient ces valvulopathies à une autre cause qui a disparu après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle le rhumatisme articulaire. Et qui, effectivement, avant l'ère des antibiotiques, donnait ce genre de maladie. L'affaire du médiator, Dominique Dupagne, c'est probablement, après l'affaire du sang contaminé, le plus grand scandale sanitaire français ? Non, le plus grand scandale sanitaire français, pour moi, c'est d'avoir couché les enfants sur le ventre pendant 20 ans. Ça fait 10 000 morts chez les nourrissons. Mmh. Un conseil stupide fondé sur... Alors, il n'y a pas la crapulerie, il n'y a pas la volonté de nuire. Il y a juste, on croit quelque chose à tort et on présente ça comme un dogme. Bon, c'est en termes d'impact, si vous voulez, bien sûr, nourrissons, c'est monstrueux. Bien mais sûr. En termes d'affaires que je qualifierais de crapuleuses, ah oui, le médiator, c'est un chef-d'œuvre. Le procès va être surréaliste, hein, c'est-à-dire que, moi je veux pas présumer, mais on est parti pour de la prison ferme. Enfin, ça va, on est dans des choses extrêmement graves. Ouais. Comment vous affrontez alors justement, comment vous préparez en tout cas à ce procès au pénal, Irène Frachon? Bah, je suis en train de peaufiner mon armure, hein, oui, comme c'est vous ça. Tout à l'heure. Ouais, c'est ça, et j'espère qu'elle sera costaud, ouais. Parce que c'est, effectivement... C'est du lourd là en face de vous. Hein. C'est du lourd. Heureusement, je me suis aperçue que Servier et sa défense étaient capables d'enfumer beaucoup de gens, ouais. Mais pas les juges du pénal. C'est-à-dire que l'instruction est implacable, mmh. Et l'ordonnance de renvoi des juges, qui fait quand même 600 pages, c'est une autopsie d'un crime industriel qui est ourdi dans les années 60. Et ce qui est très frappant, c'est de voir en fait la construction et l'analyse des preuves. On est en correctionnel. En correctionnel, on juge sur des preuves. C'est-à-dire des faits, des documents. Mmh. Et enfin, on va effectivement face-face discuter ces preuves et pas chercher des enfumages vous à droite et à gauche. Quel état d'esprit alors ? Vous attendez ce moment, hein ? Oui, on bien sent sûr. Que vous l'attendez. Oui, oui. Ouais. Ben parce que j'ai cru qu'il allait se produire en 2013. Il y a une citation directe en correctionnel au tribunal de Nanterre et c'est tombé à l'eau parce que les juges estimaient qu'il fallait que l'instruction aille à son terme. Mais le drame, c'est qu'entre 2013 et aujourd'hui, des dizaines de patients et de victimes les plus graves sont décédés. Des prévenus sont morts aussi. Vous savez, Jacques Servier est mort en 2014. Donc, on arrive déjà sur un procès, par certains côtés, historique. Mais, bien entendu, on va rentrer dans le dur. Ouais. Et ce que Servier évite depuis ses 10 ans. Sauf que vous êtes prête, visiblement. Ah oui. Tout à fait. Et beaucoup de messages pour vous sur franceinter.fr. Il y a Liliane qui demande comment se fait-il que le sinistre laboratoire Servier puisse continuer son activité lucrative sous le nom de Biogarant, Dominique Dupagne. Biogarant a toujours été une filiale de Servier. Disons que le nom Biogarant porte peut-être moins de goudron et de plumes, si je puis dire, que Servier, donc il est mis en avant par la marque. Servier est un génie pour choisir les marques. Mmh. Biogarant, le biogarantif, c'est un truc de fou quand même pour faire du générique, tout ce qu'il y a de plus commun. Florence nous dit ceci, est-ce que le médiateur a été prescrit comme coupe fin ailleurs qu'en France? Si oui ou non, pourquoi? Et quels effets à l'étranger de cette affaire? C'est une excellente question et la réponse elle est dramatique. C'est que le médiateur a été commercialisé dans plus de 50 pays dans le monde entier pendant une trentaine d'années. Et Parce que là on parle des 1500-2000 victimes en France. En France, hein. mais c'est bien plus que ça. Et si on rajoute les victimes de l'isoméride, c'est absolument un carnage. Le médiateur a été notamment commercialisé dans des pays qui ne disposent pas beaucoup de réglementations, qui sont encore moins capables de lutter contre la corruption, et pourtant c'est pas très brillant ce qui s'est passé en France, et qui n'ont pas de pharmacovigilance, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Afrique, toute l'Afrique a été inondée de médiators, l'Asie, la Malaisie, etc. Donc c'est... Et là, il n'y aura jamais de justice, je n'ai jamais entendu parler d'aucune action. Ouais. Alors, en France, certains étrangers que j'ai rencontrés ont souffert des conséquences du médiator, mais en fait, il y a une très grande difficulté pour eux d'accéder à la justice française. Beaucoup de messages de remerciements, comme celui de Michel. Grand merci à Madame Frachon d'avoir permis d'arrêter ce scandale, il y en a énormément. Et puis Christophe qui nous dit, selon vous, qu'est-ce que l'affaire du médiator a changé du point de vue médical dans la pratique, les expertises, les juridiques, économiques, si l'on en juge par les affaires plus récentes de Dépakine ou de Levothyrox ou d'autres? Les laboratoires pharmaceutiques ne sont guère ébranlés, ont toujours leurs entrées dans les sphères gouvernementales. Alors c'est une bonne question. D'abord, je voudrais juste remercier tous ceux qui me prodiguent des encouragements, même dans la rue. Les gens me tapent du coude et me disent bravo. Et on a parlé des attaques, et je n'avais pas prévu aussi ce soutien populaire qui est parfois vraiment formidable et même bouleversant. Et indispensable. Et aussi, indispensable. Hein. Voilà. Ça, c'est une chose qui est constante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il s'est passé beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire que, en ce qui concerne la pharmacovigilance, il y a eu des prises de conscience majeure de l'insuffisance, par exemple, du simple signalement, qu'il fallait beaucoup plus loin dans des études épidémiologiques. Et ça, si vous vous souvenez, Mathieu, du Père Noël, un personnage très important dans mon livre, qui est un médecin qui est responsable des grandes bases de données de la Caisse d'assurance maladie et qui a croisé pour la première fois les bases de données des utilisateurs du médiator, ceux qui avaient eu des remboursements et ceux qui avaient eu après pour voir si ceux-là avaient plus d'ennuis cardiaques dans les années qui suivit ces remboursements. Donc ça aboutit à une étude majeure, et c'est celle-là d'ailleurs qui a permis d'estimer la catastrophe qui tourne autour de 2000 morts. Et cette première acte de cette étude de données croisées s'est répétée depuis, toujours d'ailleurs avec ce médecin qui dirige ce service fondamental pour notre sécurité et qui a successivement démontré que la pioglitazone était cancérigène pour la vessie, qui a démontré que les pilules de troisième et quatrième génération donnaient un surrisque d'embolie, qui a démontré que la dépakine c'était un drame, qui a démontré et calculer le surrisque avec l'androcure de tumeurs cérébrales qui s'appellent des méningiomes, mais qui nous a aussi rassurés sur un certain nombre de médicaments. Les nouveaux anticoagulants, il n'y a pas de surrisque hémorragique. Certains antidiabétiques qui inquiétaient n'ont pas un surrisque de cancer, etc. Donc ça, c'est une conséquence majeure parce que c'est une arme dans la surveillance de la sécurité sanitaire après la mise sur le marché. Ouais. Les laboratoires pharmaceutiques, pour reprendre justement ce mail de Christophe, ne sont guère ébranlés. Alors, est-ce qu'il faut d'ailleurs toujours voir le grand méchant loup derrière les labos pharmaceutiques? Alors, pas du tout, et moi, je ne l'ai jamais fait. D'abord, je mets complètement à part, et Dominique l'a dit tout à l'heure, l'exceptionnel pharmacodélinquance pour lesquels les laboratoires Servier seront jugés à la rentrée. C'est quelque chose, à mon sens, qui est inouï, puisque le médiator n'était même pas un médicament. C'était une amphétamine maquillée. Donc, ça va très, très, très, très loin. Alors que, bon, le problème, et ça, j'en ai déjà parlé souvent, effectivement, nous avons confié la fabrication, le développement de nos médicaments à des industries privées qui doivent rendre des comptes à leurs actionnaires, à leurs investisseurs, aux salariés. Donc, c'est une logique qu'on ne peut pas leur reprocher, mais qu'il s'agit de réglementer, d'autant plus que c'est nous les payeurs, c'est la sécurité sociale. Et là, finalement, le maillon faible, je suis désolée, je vais encore me faire des amis, c'est plutôt le corps médical qui n'a pas une formation suffisante par rapport à la manipulation du marketing, des conflits d'intérêts. Cette formation au conflit d'intérêts est encore embryonnaire dans le milieu médical. Et c'est là qu'il y a un maillon faible, c'est là qu'il peut y avoir une captation, effectivement, du monde médical par ces industriels. Dominique Dupagne, là-dessus? Alors, sur les nouveaux médiators, faut pas faire trop de confusion non plus. Le médiator est une merde, pour parler vulgairement. C'est un médicament qui n'a aucun sens, qui a été retiré du marché. L'adépakine fait partie des médicaments majeurs, hein. Il s'agit simplement de son usage pendant la grossesse. Le levothyrox est un médicament majeur. Il s'agit d'une nouvelle formulation. Donc, faut pas avoir du médiator partout. Faut pas tout mélanger. Ensuite, sur l'industrie, bien sûr, elle cherche à faire des profits. Elle doit être régulée. Il faut que les arbitres fassent leur boulot. Ils n'ont pas toujours fait leur travail. Et il faut que ce qui est cette culture, en effet, de l'indépendance qui n'est pas dans les têtes des médecins français qui, pour beaucoup, ont été biberonnés en leur expliquant que les staffs étaient financés à l'hôpital par les laboratoires. Enfin, il y a une espèce de relation malsaine entre l'industrie qui est là pour payer et le médecin qui est là pour chercher. Ça crée des problèmes, et c'est d'ailleurs pour ça que les cardiologues ont beaucoup de mal à voir que le médiator était toxique. C'est tout simplement qu'ils étaient largement financés par Servier. Et ils le sont toujours. Et ils le sont toujours, d'ailleurs. Pardon. Et donc, ça crée une espèce d'altération de leur jugement, parce que c'est très difficile de taper sur la main qui vous nourrit, tout simplement. Christophe, dans la suite et la fin de son message, disait les lanceurs d'alerte et les journalistes sont encore fragilisés aujourd'hui et la justice ne se fait pas ou très lentement. Est-ce qu'Irène Frachon voit des progrès dans un quelconque domaine à ce sujet-là? Alors, il y a plusieurs choses. Il faut savoir qu'en 2010, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire, lanceur d'alerte, et je peux vous dire que je n'étais pas la seule. J'ai découvert sur Wikipédia. Ouais. Donc, c'est déjà une notion qui s'est popularisée, ce qui permet d'identifier certains engagements citoyens, effectivement, qui sortent un petit peu hors normes. Mais dans ce monde-là, qui est très protéiforme, il faut garder une chose essentielle, qui est la notion de preuve. Parce que un lanceur d'alerte, il est responsable de ce qu'il avance. Et pour cela, il ne s'agit pas de lancer en l'air comme ça des intuitions, des idées, voire des convictions. Il faut d'abord apporter la preuve de ce que l'on dit. Donc ça, c'est le béton armé. Hein. Et ça fera, bien sûr, un lanceur d'alerte est déjà fragilisé. C'est tout le principe même de la diffamation, d'ailleurs, d'une manière générale. Cela dit, j'avais toutes ces preuves et ça n'a pas empêché mon livre d'être censuré en justice. Donc, bien sûr, la protection, l'identification des lanceurs d'alerte est un élément essentiel. Et depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont créées. Il y a un salon des lanceurs d'alerte qui se tient où les gens se rencontrent et discutent. Il y a une maison des lanceurs d'alerte qui a été mise en place avec Transparency International et tout un tas d'associations. Il y a il y a eu plusieurs lois, la loi Blandin, la loi Sapin, pour essayer de cadrer un peu la définition de lanceur d'alerte. Mais le problème, c'est qu'un lanceur d'alerte ne rentre en fait dans aucune case. Et la deuxième chose, c'est que c'est toujours un poil à gratter. Ouais. Et Dominique Dupine, alors moi, j'ai tendance à faire une différence entre les lanceurs d'alerte et les vendeurs d'alerte. Je veux dire par là que, pour moi, le sens très strict du lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'une organisation, constate un dysfonctionnement, ici dans la profession médicale pour Irène, et qui va au péril de sa carrière, et voire parfois de son intégrité financière, physique, de son job, va lancer une alerte et se mettre en difficulté. C'est pour ça qu'on a créé des lois pour protéger les lanceurs d'alerte. Et puis depuis, vous avez beaucoup de gens qui sont apparus, qui mènent des combats, dont ils vivent parfois, parce que c'est leur business finalement, et qui vont vendre, c'est un peu méchant quand je dis ça, mais ils sont au contraire, ça les valorise, si vous voulez. Ce sont des gens qui n'appartiennent pas à une organisation dont ils vont être isolés par leur combat. Et j'aime pas quand on mélange un peu tout. Moi, par exemple, en aucun cas, je prétends être un lanceur d'alerte. Mais Irène, c'est vraiment quelqu'un, elle dit parfois qu'elle comprend pas comment personne lui a mis un contrat sur la tête, mais peut-être qu'on exagère un petit peu, mais je crois pas tant que ça. Et vraiment, elle s'est mise en danger. Vraiment en danger. Oui. Et c'est ça, les vrais lanceurs d'alerte. Il y en a d'autres, il y a le sel, il y a tout ça. Et donc, ne pas mélanger pour moi les gens qui font du buzz avec quelque chose et les gens qui vraiment ont un combat avec des preuves et qui se mettent en difficulté. Ce danger, vous le sentez toujours, Irène Frachon, autour de vous ou pas? Et d'autant plus à l'approche du procès ou pas? Alors, je n'ai jamais accepté de craindre ou d'imaginer un danger physique, enfin pour mon intégrité. C'est niet. On est en France, en 2010, à l'époque où ça se passe. Donc c'est inenvisageable. Par contre, des attaques sur ma personne, entre guillemets, professionnelle et autres, il y en a eu beaucoup. Mais en réalité, ma crainte aujourd'hui, petit à petit, j'ai compris que j'avais surtout peur pour les victimes et ce qu'elles avaient à subir de ces 10 dernières années et ce qu'elles auront peut-être à subir pour certaines lorsqu'elles viendront témoigner au procès. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur parce que la férocité de Servier n'a pas de limite. 4000 parties civiles présente. Hein. Alors présente. En tout cas représentée. Représentée, oui. Survivante. Survivante. Ouais. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors, c'est des notions très complexes parce qu'il y a des parties civiles. Là, on va juger essentiellement du mécanisme de la tromperie. Et donc, ça n'est pas le. Il y aura deux ou trois patients qui seront victimes, qui seront là parce que pour blessures et donc qui ont porté plainte. Mmh. Il y aura un jugement pour blessure et homicide involontaire par violation délibérée, ce que j'appelle moi homicide délibéré, enfin bref. Mais donc c'est pas tant ça qui va être jugé que la tromperie des consommateurs. Mmh. Et pour ça, les parties civiles sont multiples en réalité, donc, y compris la caisse d'assurance maladie. Et ce sera en septembre, donc le 20... Ça commence le 23 septembre. 23 septembre, début du procès pénal du laboratoire Servier. Irène Frachon, on vous laisse filer parce que vous avez un rendez-vous aujourd'hui qui vous attend et une moto en bas de la radio qui vous emmène. Merci beaucoup d'être venu. Merci Dominique. Et on va rester avec Dominique Dupagne. On va continuer avec lui cette tête au carré rétrospective sur les questions de santé publique. Viens, mon ami, partons le cœur léger, la route est longue. Avant midi, nous devons arriver, la route est longue. Longtemps, j'ai douté, longtemps, je l'ai redouté, le moment est arrivé. De te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Oh les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. J'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les fourrés. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. La nuit, je dois être rentré, la route est longue. Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé, ce que la vie nous a gâtés. Donne-moi ton dernier trot, la route est longue. Avant midi, le glas devra sonner, la route est longue. Longtemps redouté, longtemps, je l'ai repoussé, le grand jour est arrivé. De t'emmener faire le dernier tour de nos prêts. Avant midi, c'était la voix de Bastien Lallemand. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, si vous nous retrouvez, nous poursuivons donc cette tête au carré rétrospective autour des sujets de santé publique, puisque Irène Frachon nous a quittés, elle devait retrouver un rendez-vous. Puisqu'elle est partie, justement, Dominique Dupagne, on peut le dire, c'est quand même une sacrée bonne femme, Irène Frachon. Non mais c'est vraiment incroyable. Non, mais moi, c'est une héroïne des temps modernes. J'ai croisé des rebelles, mais des Irène Frachon, il n'y en a qu'une, quoi. Il n'y en a qu'une. En 30 ans, j'en ai vu qu'une. Voilà, et elle est brestoise. C'est vraiment le bon côté des Bretonnes, des gens qui ont des idées fortes, qui suivent leurs principes, leurs valeurs, droit dans leurs bottes, qui ne cherchent aucune gloire personnelle, car Irène Frachon ne cherche aucune gloire personnelle. La médiatisation dont elle a bénéficié ne lui a servi qu'à défendre les victimes, c'est tout. Elle a été, elle l'a pas dit parce qu'elle est modeste, mais sa carrière a été mise complètement en arrêt par cette histoire. Et vraiment, c'est le combat de sa vie dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que un nombre important de personnes vont lui devoir énormément de choses, et des méchants vont être punis à cause d'elle. Et dans les films, souvent, les gentils gagnent à la fin, dans la vraie vie, c'est rare, et ben là, ça va arriver. On espère en tout cas, et puis il faut la soutenir, hein, parce que les semaines, les mois qui arrivent avec le procès au pénal, ça va être quand même quelque chose. Oui, parce mais ils vont prendre cher quand même, c'est pas elle qui va être devant les juges. Oui, il y en a même, qui vont passer un très très très mauvais moment. Ouais. Allez, au-delà de cette affaire, et des futurs d'ailleurs qui risquent d'arriver malheureusement, est-ce que les liens entre la société et la médecine ont beaucoup évolué ces dernières années, Dominique? On parlait du rôle d'Internet et des réseaux sociaux. Énormément. Ça a complètement bouleversé notre rapport. Et ça continue à le bouleverser. Si vous voulez, pendant longtemps, il y avait une source d'information qui était le Larousse médical, qui était souvent cité, c'est drôle. Maintenant, il n'existe plus, les gens ne pensent même plus à le citer, mais en quelques années, il a disparu des sources d'information. Ouais. Et les gens, on a tout à dispo maintenant. Exactement, les gens s'informaient en lisant des articles de journaux qui eux-mêmes étaient parfois des émanations des autorités sanitaires. Il y avait peu de contre-offres d'information santé, ou alors des brûlots qui n'étaient pas très sérieux, si vous voulez. Et puis, à l'occasion de grandes affaires dont on va parler, il y a une autre parole qui s'est développée sur Internet, dont j'ai fait partie d'ailleurs, personnellement. Et d'ailleurs, si j'ai été sur Internet, c'est parce que j'en avais assez d'entendre des âneries et que je voulais rectifier certaines choses que j'entendais. Et il y a eu donc une compétition entre les sources d'information. Et nos autorités sanitaires ont très très mal réagi. C'est-à-dire, plutôt que d'accepter le challenge et de dire bon, mais puisque les gens contestent, que nous, on va expliquer mieux, on va donner des éléments, on va donner des preuves sur les vaccins par exemple, ils se sont enfermés dans un paternalisme qui était: vous n'avez pas besoin d'avoir les détails, croyez-nous, c'est nous qui avons la vérité, les autres sont des imposteurs qui ne savent rien, donc voici la vérité, voici ce que vous devez croire. Mais c'est fini, on peut plus faire ça maintenant. Et on est en train de le payer très cher. Alors depuis les débuts de la tête au carré, donc en 2006, on a vu aussi ensemble d'ailleurs monter cette défiance contre la vaccination, un phénomène qui a l'air particulièrement français en tous les cas. On va écouter un sujet qui date de octobre 2018 et on le commente ensuite juste après. Comment vous appelez ? Aurélie. Est-ce que les arguments du professeur Joyeux vous ont convaincu sur la vaccination ? Moi, déjà, personnellement, j'ai mon propre avis sur la vaccination. Donc, ces arguments n'ont fait que confirmer ce que je croyais déjà, moi, en tant que personne et en tant que maman. C'est-à-dire ? De ne plus faire vacciner mes enfants. Ils ont quel âge, vos enfants ? 10 et 12 ans. Vous les avez déjà fait vacciner ? Malheureusement, oui. Donc, elles ont, comme moi, les vaccins soi-disant obligatoires qu'il faut faire absolument pour pouvoir aller à l'école. Et voilà. Pourquoi vous le regrettez ? Je pense, c'est pas forcément un regret, c'est qu'on, du coup, on croit en la science, on croit en ce que les médecins ou certains médecins nous disent et nous conseillent, vu qu'ils ont fait des études. Moi, je suis pas médecin, je suis assistante vétérinaire, je m'occupe des animaux, je suis pas médecin. Donc, je crois en ce qu'on me dit, je crois en ce qu'on nous conseille. À partir du moment où on se renseigne, où on grandit, on va chercher plus loin certains éléments qui nous prouvent que c'est pas forcément bon, ni pour nous, ni pour notre santé, ni pour ce qu'on croit nous dire. Là, pour le coup, oui, on a un autre avis et du coup, on est déçus. Voilà, Dominique Dupagne. Interception, 2018, les anti-vaccins très intéressant. Français. Très intéressant parce que la personne qui parle a fait des études supérieures en matière de santé, elle est vétérinaire. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à ce que quelqu'un qui est vétérinaire tienne ce discours sur les vaccins qui est contraire, encore une fois, aux données de la science? Alors, on peut discuter, encore une fois, chaque vaccin, un par un. Je suis absolument à l'opposé de cette église de vaccinologie qui nous demande de croire aveuglément en tous les vaccins. Mais soyons clairs, enfin, de la même manière que la Terre est ronde et pas plate, la vaccination est un des plus grands progrès médical de l'humanité. C'est ce qui a fait disparaître des maladies majeures, ce qui a augmenté de façon hallucinante l'espérance de vie infantile. Il y a d'autres choses, oui, il y a l'hygiène, mais enfin, la vaccination, il n'y a pas photo. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, d'abord, les gens qui avaient connu les maladies combattues par les vaccins, la diphtérie, la polio, bah, ont commencé à disparaître les uns après les autres, ils sont plus là. Donc, les gens qui ont l'âge de cette femme n'ont jamais vu de leur vie une polio, jamais vu leur vie une diphtérie, moi non plus d'ailleurs. Hein. Donc déjà, disparition du modèle de la machine à faire peur. Ensuite, une immense maladresse des autorités sanitaires qui, pour vendre la vaccination, n'hésite pas à en rajouter, à essayer de masquer le mot, peut-être un peu fort, en tout cas de mettre sous le boisseau les petits éléments négatifs, les effets secondaires, les rares risques qui sont liés à la vaccination, pour mieux convaincre. Mais ça, quand vous avez en face des gens qui dissèquent les données scientifiques et qui vous disent mais attention, il y a tant de pourcents d'effets secondaires, mais là, il y a des problèmes. Là, ce vaccin, par exemple, n'a pas fait sa preuve. Les gens qui ont une formation scientifique, mais qui sont apparemment comme un peu fragiles, vont se dire, mais attendez, oui, là, on me prouve scientifiquement que les autorités sanitaires m'ont menti sur ce sujet. Et donc, vont adhérer à des thèses complotistes qui sont fausses. Au point de prendre des risques considérables. Au point de dire, je ne veux pas vacciner mes enfants. Bon, qu'on veuille pas, encore une fois, qu'on croit pas à la vaccination contre le rotavirus ou contre certaines méningites. Bon, on peut discuter, si vous voulez. Mais enfin, remettre en cause la vaccination polio, tétanos, diphtérie, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, maintenant que les maladies ont quasiment disparu, on a moins de chances de les attraper. Mais enfin, c'est vraiment fou de penser qu'en France, on est arrivé à avoir ce doute vis-à-vis d'une évidence scientifique, et c'est pas de la faute d'Internet, c'est de la faute des gens qui émettent un message scientifique et qui n'ont pas su s'adapter à la nouvelle donne. Avec des maladies qui sont toujours associées à des vaccins, alors que la science montre que ça n'est pas le cas sur la sclérose en plaques, par exemple, ou l'autisme. Alors, l'autisme et la rougeole, ça on oublie, c'est une légende, hein. Ça a été prouvé par A plus B. Il y a certains vaccins qui ont des effets secondaires, bien sûr, hein. La grippe H1N1, il y a eu des cas de narcolepsie, de maladies relativement graves. On est sûr que ce vaccin favorise ces cas-là. Et tous les vaccins ont des effets secondaires. Comme pour tous les médicaments, c'est ce qui compte, c'est le rapport bénéfice-risque. Combien de personnes je sauve? Combien de personnes j'altère? Est-ce que ça vaut le coup? C'est aussi simple que ça, c'est comme pour un médicament. Ouais. Jean-Pierre demande, est-ce que dans les autres pays, on oblige les gens à donner d'un coup 11 vaccins à des enfants? Voilà peut-être pourquoi aussi on se méfie des vaccins ici. Alors, en c'est France. Un triste record de la France, c'est-à-dire que la France étant le pays qui a le plus de défiance de sa population vis-à-vis des vaccins. On en rajoute. L'approche qui a été choisie a été de dire, puisque c'est comme ça, on va obliger les gens à se vacciner. J'ai initialement violemment réagi contre ce principe que je trouvais extrêmement délétère. À partir du moment où la décision a été prise, je me suis tu parce que je n'ai pas voulu joindre ma voix aux anti-vaccinaux qui se sont qui ont hurlé face à cela. Certains de mes confrères me disent, écoute, finalement, face à des gens qui savaient pas quoi penser, maintenant que c'est obligatoire, c'est plus facile de vacciner les gens. Je crois quand même que c'est grave dans une démocratie, dans le pays des Lumières, dans le pays de Claude Bernard, d'en arriver à dire aux gens, écoutez, puisque vous comprenez rien, on va vous forcer à vous vacciner. Je peux pas croire qu'à long terme, ça soit quelque chose de positif. J'espère me tromper. Bah, est-ce que ça augmente pas la défiance, comme on le voit encore dans notre pays? Bon, en tout cas, ça n'a pas arrangé, puisque on avait une enquête ancienne qui montrait un fort taux de défiance. Et là, cette enquête toute récente vient de montrer qu'on est un des pays le plus défiant vis-à-vis des vaccins. Pascal dit, un autre scandale sanitaire était d'avoir interdit la vente libre des seringues pour lutter contre la toxicomanie, ce qui a permis au sida et d'autres maladies de se répandre. Pourquoi ne pas interdire la vente des verres pour lutter contre l'alcoolisme? Mon frère en est mort, pourquoi n'en parle-t-on jamais? Écoutez, de la même façon que je vous expliquais que l'obligation vaccinale était pour moi la fausse bonne idée, c'est-à-dire, ça semble logique, mais c'est contre-productif, il y a eu un truc complètement fou, c'est que pendant des années, on ne pouvait pas acheter sans ordonnance de seringues et d'aiguilles en pharmacie. L'idée stupide, c'était, vous comprenez, si on laisse les gens acheter des seringues et des aiguilles, ils vont se droguer. Bon, c'est comme si on disait, si on laisse les gens acheter des verres, ils vont devenir alcooliques. Bon, ça n'avait aucun sens. Résultat, qu'est-ce que faisaient les drogués? Comme ils pouvaient pas acheter de seringues propres, ils les rinçaient, ils se les refilaient entre eux, et ça a fait exploser les maladies. Puis un jour, quelqu'un dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il faut au contraire leur donner, il faut balancer des seringues et des aiguilles propres à tous les drogués pour qu'ils se piquent au moins proprement et qu'ils fassent pas de bêtises. Il a fallu des années avant d'en arriver là, et c'est très intéressant de cet auditeur et ramener cette histoire parce que c'est vraiment la fausse bonne idée, interdire la vente des seringues. Mais qu'est-ce qui a pu passer par la tête des gens qui ont fait ça? Alors, au cours de ces années de Tête au Carré, on a aussi beaucoup parlé de fraude scientifique. C'est un sujet qui est revenu régulièrement. On va écouter d'ailleurs Antoine Petit, le PDG du CNRS. On évoquait cela avec lui le 22 novembre dernier. Alors d'abord, je dois dire qu'il y a quelques tricheurs parmi les chercheurs. Comme dans toute frange de la population, si nous étions la seule frange de la population à avoir zéro tricheur, on aurait probablement là un miracle qu'il faudrait breveter et étendre. Et je crois qu'il faut être impitoyable contre ces tricheurs. Il y en a peu, mais il y en a. Il faut être impitoyable en préservant, bien sûr, la présomption d'innocence. Et je crois surtout que c'est important, c'était d'avoir des procédures qui soient connues de tous, partager, discuter, parce que ça n'est pas un phénomène facile que de discuter ces questions-là. Et donc, auparavant, le CNRS, bien sûr, a eu l'occasion de traiter des cas de fraude scientifique ou de soupçons de fraude scientifique, mais il n'y avait pas de procédure clairement identifiée. Donc, c'est ça qu'on a voulu mettre en place. C'est un petit peu de rigueur, un peu d'intégrité dans ces procédures. Et c'est pour ça que j'ai procédé à la nomination d'un référent intégrité scientifique, Rémi Mosserie, qui est un physicien bien connu, qui va s'entourer d'un bureau. Et puis donc, comme vous l'avez dit, nous allons présenter au conseil d'administration du 13 décembre prochain l'ensemble des procédures, encore une fois, dans un souci de clarté, mais avec un certain nombre de principes qui seront connus de toutes et de tous. Voilà, c'était en novembre dernier, Antoine Petit, PDG du CNRS, l'intégrité scientifique, Dominique Dupagne. Sujet majeur. Alors, faut toujours commencer par dire que beaucoup de chercheurs, la majorité des chercheurs travaillent correctement. C'est ce que disait Antoine Petit. Parce que vraiment, je sais que je blesse souvent les gens quand je mets en évidence la fraude, et j'ai toujours des chercheurs qui me disent « mais comment tu peux dire ça? Tu te rends compte le mal que... » Non, les chercheurs, dans leur majorité, travaillent bien. Mais beaucoup sont bêtement humains, c'est-à-dire qu'ils sont fragiles, qu'ils ont envie d'être les premiers, qu'ils ont envie d'avoir des budgets, qu'ils ont envie de gagner. On sait que Galilée, Newton, Mendel ont triché pour améliorer leurs résultats. Il se trouve qu'ils avaient raison, donc honneur aux gagnants, si vous voulez. Mais ils auraient pu aussi être des fraudeurs. Alors quand vous trichez, quand vous manipulez l'information sur certaines planètes, sur des choses qui sont du domaine du théorique, c'est pas très grave. Maintenant, quand vous influencez des gens, des millions de personnes qui, à cause de votre publication, vont utiliser tel médicament, utiliser telle technique, vous pouvez faire des milliers de morts tout de suite. Donc, la fraude est un vrai problème. La science est faite par des humains. Les humains sont fondamentalement, pour beaucoup d'entre eux, fraudeurs, que ce soit fiscalement ou autre. Et donc, s'il n'y a pas une police qui fait très attention, qui surveille, qui punit, il y a un risque majeur qu'on balance des informations, que les gens y croient et que ça les emmène très loin dans de mauvaises stratégies de santé. La bataille contre les fake news, ça aussi, c'est un des grands champs à développer dans les années qui viennent. Oui, mais bon, moi je suis un petit peu on a tendance à dire bon, la bonne science fait de la bonne news et puis Internet fait de la fake news. Bon, ouais. Oui, bien sûr, il y a plein de sites complotistes, mais en fait, on voit quand même beaucoup de fake news chez des gens qui, du fait que, par exemple, des grands médias ont un fil Internet qu'ils doivent alimenter tous les jours, reproduisent ce qu'ils ont lu ça et là ou dans des sociétés de presse et fassent circuler des infos qui sont complètement débiles, fondées toujours, vous savez, cette histoire de stat à la con, c'est-à-dire, puisque deux choses varient en même temps, l'une est proportionnelle à l'autre, hein, l'éternelle histoire du fait que les gens meurent dans les lits et donc les lits sont dangereux. Enfin, donc c'est tellement facile à reprendre que ça circule partout. Et ça a été votre grand classique, ça, pendant l'histoire de la tête au carré, moi, ça, Dominique. Franchement, en matière de médias, l'essentiel des conneries que j'entends, c'est lié à cette confusion entre les corrélations et les causalités, c'est-à-dire cette confusion entre le fait que deux éléments qui varient ensemble, l'un est la conséquence de l'autre. C'est tous les jours, tout le temps, et c'est pour ça que j'avais beaucoup appuyé le début de mes chroniques sur ces choses-là. Voilà, et vous avez rendu célèbre les stats à la con qui ont été reprises ensuite. Et on pourrait encore en faire des chroniques quotidiennes parce que, évidemment, il y a énormément de matière. Merci en tout cas, Dominique. Merci beaucoup à vous parce que vous avez fait vraiment partie depuis le début de l'histoire de la tête au carré. Et grâce à Irène Frachon, vous savez. Grâce à Irène Frachon, parce que c'est elle qui m'a fait participer à un groupe qui m'a conduit à être invité par Pascal Clark. Et c'est en m'entendant chez Pascal Clark que vous m'avez invité dans la tête au carré. Donc finalement, Irène Frachon, vous voyez, a fait beaucoup de choses. Merci beaucoup à vous, Dominique.